Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Tranquille dans l'actualité du monde du sport ce matin, on va quand même vous parler qu'il y avait des matchs hier dans les différentes ligues de soccer du haut du lac Saint-Jean. D'abord, victoire de l'Union de Roberval 6-0 contre la formation du FC de Saint-Félicien dans un match de la catégorie U16 féminin. Maintenant, on va parler du côté du deck hockey. Il y avait des matchs à Saint-Prime au cours du week-end et ça se déroulait hier plus tôt. Et trois matchs étaient au rendez-vous. D'abord, faites à noter que hier, victoire de 8-6 pour la formation des Young Guns contre la formation des Kids. Et pour les Young Guns, notons 3 buts de passe pour Simon Lepage, 2 buts une passe pour Victor Potvin et Charles-Éric Rochefort a marqué 2 buts. La réplique pour les perdants, ben pour les Kids, c'est allé à Jordan Girard avec 3 buts de passe. Derek Boily, 2 buts. Et Jean-Éric Martel qui a bien fait dans le match également avec une production de 1 but et 3 passes. Victoire également hier de la formation des Boys, 3-2 sur les Eagles. Pour les Boys, notons 2 buts de passe pour Denis Otis. La réplique pour l'équipe perdante a été de Sheldon Buckner Robertson et Lenny qui ont marqué chacun un but. Et dans l'autre match, dans un match extrêmement offensif, victoire de l'équipe des Canes 11-3 sur les Décadences. Et pour les Canes, 1 but, 5 passes pour Samuel Gaston-Gay, 5 buts pour Jean-Christophe Sanson et 3 buts de passe pour Michael Bovin. La réplique pour les Décadences est allée de Brendan Bélanger avec 2 buts et également Marc-André Anctil avec 1 but. 109 coureurs étaient en fin de semaine à Chibougamau à une compétition de vélo. C'est quand même pas mal de monde là-bas. La catégorie atome 9-10 ans, Zoé Tessier a terminé au deuxième rang. Notons également du côté masculin, Zach Dubois, Raphaël Lavoie et Félix Laroche ont terminé respectivement 1, 2 et 3 dans la catégorie. Faites à noter aussi que Johan Germain du club vélo 2 Max a terminé en deuxième place dans la catégorie masculin, puis oui, 11-12 ans. Dans ce qu'il faut également noter, dans la junior 17 ans, une victoire de Zachary Gauthier du club Vélo Gamique de Chibougamau. Sport local et régional, à danrazosport.com.